Je me suis tourné, Félix. Ah, je vous ai reconnu, monsieur Spielberg. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Vous avez un oiseau. Oui, on va voir, on va se poser. Hein? Bon. Eh oui, on va aller. Thank you. Allô, monsieur Briot. Gracias.